aïe, aïe. L'amour, Kabine frappé à si pas à Kéya. Où t'es flé, dis merci, mais ou pas savé pour qui. Ou qu'on cristallisé, bah on chouka sourire. Kéya ou qui trop sensible, j'a accéléré. Mais pas trouvé les mots pour tomber amoureux. Moi n'y assez. Yeah.